Osmose. Osmose Radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. A dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. The neighborhood was changing, strangers moving in. A new boy fell for a local girl when she made eyes at him. She was young and pretty, no stranger to other men. But windows were being locked at night, the old lines drawn again. Didn't matter anymore. I thought all that blood had been shed long ago. Dark night, it's a dark. It's a dark night, dark night. It's a dark Bonsoir à tous mes petits loups, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Il en est mardi soir, il est 19h passé de quelques minutes et c'est votre playlist rock et new wave hebdomadaire qui commence. Vous êtes bien dans l'heure du loup. Pendant à peu près 60 minutes, je vais vous balancer, moi Stéphane, du rock, de la new wave et ce soir, hein, qui aura un petit arrière-goût, une playlist avec un petit arrière-goût, disais-je, de Mexique, de pulque, mezcal, tequila et autre chose peut-être. Allez donc savoir. Et pour ouvrir cette playlist justement, bah, c'était un groupe qui nous évoquait un petit peu ce milieu interlope. de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'était The Blasters avec le titre Dark Knight. Les plus cinéphiles d'entre vous auront reconnu peut-être la bande originale d'un film de la fin des années 90, Une nuit en enfer, par Robert Rodriguez, dans lequel il faisait jouer son collègue Quentin Tarantino. Et c'était notamment la musique qu'on entendait dans le bar à striptease. Et voilà, Dark Knight, la nuit est sombre. Merci pour ce magnifique pléonasme. On va continuer toujours dans cette thématique Mexique avec un groupe américain, celui-là, Calexico, et le titre Ballad of Cable Hogue. Mi pequeños lobos, te gusta Osmos Radio? Si, si, si, te gusta bailar aussi, sans doute. À l'instant, c'était Calexico. Vous y étiez, hein, sans doute, dans cette limite, cette zone désertique entre l'Arizona, dont viennent Joey Burns et son comparse du duo Calexico, avec le titre qu'on vient d'écouter, Ballad of Cable Hogue. C'était extrait de l'album Hot Trail qu'ils avaient sorti en 2002, mon album préféré concernant ce groupe-là, en ce qui me concerne. Et donc, je disais, ouais, c'est des mecs qui viennent d'Arizona, très près du Mexique, finalement, près de cette frontière que les Américains s'évertuent à fortifier, à surveiller, les mecs qui se croient à Gaza. Enfin bref, tout ça pour pas être envahi par les méchants Mexicains. Ça me rappelle une situation chez nous. Allez donc savoir. Enfin bref, quoi qu'il en soit, moi je suis bien content de vous accueillir ce soir sur Osmos Radio, les amis. Et comme je vous l'avais laissé entendre la semaine dernière, ce soir ce sera une playlist consacrée non pas tant au Mexique qu'à une de leurs coutumes qui est vraiment intéressante et que pour ma part j'affectionne, c'est le Día de los Muertos. Quesaco. Le Día de los Muertos, comme le nom le laisse entendre, même si on ne parle pas espagnol, c'est le jour des morts qui se fête là-bas le 2 novembre, soit hier. Et en fait, ça suit, c'est un genre de Toussaint local en fait, c'est un genre de Toussaint latino-américaine. On a eu Halloween le 31, la Toussaint le 1er novembre, et donc là-bas ils ont aussi le Día de los Muertos le 2 novembre. Alors évidemment, hein, comme vous vous en doutez, tout ça ce sont des traditions du folklore largement avant la christianisation, un petit peu comme chez nous, quoi. Halloween à la base c'est une fête celtique, et puis bon, on a mis un vernis chrétien et c'est devenu la Toussaint. Et ben là-bas c'est pareil, ils avaient le Día de los Muertos qui fêtait à l'époque précolombienne des Aztèques et des Mayas, et puis bon, les missionnaires sont arrivés et c'est devenu un truc un petit peu christianisé, mais bon, grosso modo, vu que c'est quand même une coutume folklorique extrêmement colorée, extrêmement bigarrée et dans laquelle les symboles tiennent une grande place, et bien les symboles de la mort bien entendu, et bien tout ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait singulier au Mexique, et j'avais donc envie d'en parler parce que au plan artistique c'est l'occasion d'un foisonnement de bonnes choses. Alors non seulement au Mexique mais aussi à l'étranger, c'est parce que même si c'est la première fois, et j'en doute, mais si c'est la première fois que vous vous entendez parler du Día de los Muertos, je suis sûr que vous connaissez déjà à votre insu, parce que c'est dans les arts graphiques avec la dessinatrice française Marie Meyer par exemple, qui fait pas mal de jaquettes de bouquins, de pochettes de disques, etc. Elle est très inspirée par cette culture mexicaine du Día de los Muertos. Je pense à des groupes de musique comme ceux que je vais vous passer ce soir, je pense à des jeux vidéo par exemple aussi qui sont très influencés par ce milieu là, etc., etc. J'aurai l'occasion d'y revenir en cours d'émission, mais donc pour vous annoncer le topo, voilà, ce sera notamment sur le Mexique, mais surtout sur le Día de los Muertos, cette coutume assez attachante qui consiste à se moquer de la mort pour mieux s'approprier la vie et se l'approprier en musique, en chansons, en fêtes, en sucreries, en arts folkloriques divers et variés. Et ce soir, moi, je me penche sur la musique. Et quelqu'un qui a un petit peu évoqué de façon très personnelle cette ambiance du Mexique, cette ambiance délicieusement morbide et en même temps très, très latine, très coloré, c'est le compositeur français Hubert Félix Thiéfaine avec sa chanson notamment Pulque, Mezcal y Tequila. Pulque, mezcal chinga de su madre. Otro Cuba libre. Les slogans de fièvre à faire. Et dans ma triste animal d'indien qu'on saoulait, qu'on oublie, je m'écroule devant le terminal des bus à Mexico City. Qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Bazette qui veut dire Zorro. Causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad, los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado. Des mariachis sur Osmose Radio dans l'heure du loup. Hein. Et comme quoi tout arrive, à l'instant c'était Los Cuatos de Sinaloa avec le titre Negro y Azul. C'était enchaîné juste avant avec Hubert Félix Tiefen, un garçon de chez nous, et le titre Pulque Mezcal y Tequila qui jouait en concert en 1995. Et entre les deux, un petit intermède qui vous aura sans doute dit quelque chose puisque c'était un extrait du générique de Zorro qu'on a tous vu quand on était petit, quel que soit notre âge d'ailleurs. Voilà, Zorro, une série télé qui vous aura sans doute marqué. Une autre série télé que vous aurez peut-être appréciée ou pas, allez savoir, c'était la série Breaking Bad, en fait, qui racontait, une série américaine qui racontait les aventures malheureuses d'un prof de chimie qui, à cause de son petit salaire, en était réduit à fabriquer de la drogue. Hein, sachant que lui-même était chimiste, il avait des facilités pour ça. Et ça donnait donc une très bonne série sur la chaîne AMC, je crois, aux États-Unis, Breaking Bad, dont on vient d'écouter un extrait musical, puisque cette chanson de Los Cuates de Sinaloa, Negro y Azul, en fait, racontait les aventures de ce dealer de drogue, hein, pour le coup, sachant que la drogue est un sujet épineux au Mexique, bien entendu. Et Los Cuates de Sinaloa, en fait, c'est un groupe assez emblématique d'un phénomène qui est proprement mexicain, à savoir, on a tous en tête évidemment les orchestres de mariachi, mais c'est une tradition très vivante et je crois qu'on les appelle les trobadores ou les cantadores. Enfin bref, ce sont des orchestres privés qui sont parfois même qui jouent donc de la musique folklorique et leurs propres compositions, comme celle qu'on vient d'entendre, mais qui sont aussi de façon plus discutables, qui sont aussi au service des narcotrafiquants pour chanter leurs louanges. De la même manière que les troubadours du Moyen-Âge étaient au service d'un seigneur chez nous, et bien dans le Mexique contemporain, vous avez ces orchestres, comme celui dont on vient d'écouter, qui sont au service des narcotrafiquants. C'est le système féodal, mais à l'heure actuelle, quoi. Donc voilà, le Mexique, un pays qui est assez fascinant, en tout cas moi qui m'intrigue, je ne m'en cache pas, mais en même temps pour lequel je ne me fais pas d'illusions, c'est un pays qui a toujours été extrêmement violent. On en a régulièrement une petite idée aux informations ou dans les séries télé pour le coup, et tout ça date de bien avant l'arrivée des Européens, enfin des Espagnols, puisque déjà à l'époque des Mayas, des Aztèques, ces braves gens s'entretuaient. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà, donc, mais moi, c'est un aspect un petit peu plus intéressant de leur culture que j'avais envie de parler ce soir, c'était le Dia de los Muertos, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette coutume, donc, qui est un genre de Toussaint local, pour résumer très improprement, qui est une coutume vraiment mignonne, qui se caractérise par différentes choses. Peut-être certains d'entre vous, si vous êtes sur Avignon, vous avez connu une belle festivité qui avait été organisée par l'association Contraluz il y a quelques années. Contraluz, une association qui fait la promotion des cultures hispaniques et latino-américaines à Avignon, ils avaient fait une superbe soirée sur le thème du Dia de los Muertos il y a quelques années. Ils avaient invité le consul du Mexique, ils avaient fait des expositions de statues, de statuettes, d'art folklorique, tout ça. Ils avaient fait un concert, enfin bref, c'était vraiment bien. Ils vont remettre ça un de ces jours, donc je vous invite à surveiller leur programmation. Et pour en revenir au Dia de los Muertos, donc c'est l'occasion d'un art folklorique très particulier qui met notamment en scène des squelettes et des crânes. Le truc le plus morbide qui soit, mais en même temps c'est fait de manière tellement mignonne et tellement colorée qu'en fait c'est une manière de se réapproprier ce triste état dans lequel on finira tous, la mort, et en même temps d'en rire et de s'en amuser. Et donc on a des personnages comme la Katrina. La Katrina, en fait, c'est un squelette habillé avec des vêtements de femme très élégantes, en fait des vêtements de bourgeoise, et c'est un peu ce qu'on a, les memento mori en fait, qu'on avait chez nous au Moyen-Âge, quoi. C'est une manière de dire que tu sois pauvre, que tu sois riche, quelle que soit ta condition sociale, de toute manière un jour ou l'autre tu finis au fond du trou, mon gars ou ma fille. Voilà, vous avez les calaveras qui sont des bonbons en sucre en forme de crâne. Voilà, vous avez des petites choses comme ça, c'est vraiment très mignon. Je vous invite à, je vous mettrai évidemment moi-même des liens sur internet pour que vous puissiez en savoir plus, et de toute manière je vous invite à vous renseigner parce que tout ça est vraiment très très intéressant. C'est un aspect de la culture mexicaine qui vaut le coup qu'on s'y arrête. Et je vous proposais de rentrer dans le vif du sujet, et ça va être le cas notamment avec ce groupe de psychobilly californien, parce que s'il y a des gens qui sont proches des Mexicains aux États-Unis, ce sont bien les Californiens, ne serait-ce qu'à cause de la diaspora mexicaine et latino en général qui est là-bas. Et d'autre part, s'il y a un thème qui adore s'approprier les thèmes de la mort, des trucs un peu morbides, des créatures fantastiques, zombies, tout ça, eh bien c'est bien le psychobilly, hein, cet enfant bâtard du rockabilly des années 50 et 60. Et par conséquent, je vous propose d'écouter tout de suite le titre de Resurrex, Dia de los Muertos. We'll be right back. calentando, luego quiere correr, no quiere estar más. Los enterradores nos queremos quedar, la calavera quiere bailar. De sus pasos no te vas a librar, un clavo de la tumba y está por sacar. Hallaron los lobos y se puso a reventar. No quiere estar enterrada, solo quiere bailar. Los pasos de la calavera no se van a olvidar. Entrada la noche, ya todos borrachos. Yarevil se está peinando, sangre empieza a correr en la tempestad. La tormenta ya va a comenzar, la calavera quiere bailar. De sus pasos no te vas a librar, lo clavo de la tumba y está por sacar. Hallaron los lobos y se puso a reventar. No quiere estar enterrada, solo quiere bailar. Los pasos de la calavera no se van a olvidar. Los enterradores, les mères, les enterrés, en fait, les mecs qui sont 6 pieds sous terre. Mais manifestement, ils sont encore vivants. Hein. C'était Los Pasos de la Calavera. C'était enchaîné juste avant avec un autre groupe Psychobilly, mais américain celui-là. Resurrex, avec le titre Dia de los Muertos. Los enterradores, eux, étaient des purs mexicains de la péninsule, pas du Yucatan, de l'autre côté à l'ouest. C'est la péninsule de Basse-Californie. Voilà, il me semble qu'ils sont de là-bas. Chihuahua, tout ça. Enfin bref, je crois que ma géographie de la Mexique n'est pas terrible, mais je crois bien qu'ils sont donc de cette partie du Nord-Ouest, donc pas loin de la Californie, on y revient. Soyez les bienvenus chers amis si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Osmose Radio dans l'heure du loup et ce soir c'est une playlist consacrée notamment au Mexique à l'occasion de cette petite célébration que je tenais à faire, ce clin d'œil en tout cas dans la playlist au Dia de los Muertos, cette jolie coutume mexicaine qui s'enchaîne bien avec la playlist Halloween que j'ai fait la semaine dernière et que Abel, mon technicien préféré, vous a mis en ligne sur le site d'Osmose Radio, www.osmose-radio.fr. On est ensemble pour encore une petite demi-heure de musique, notamment, et on continue avec un petit peu de rock'n'roll. Et donc là, c'était le titre Los Pasos de la Calavera. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les calaveras, ce sont les crânes, et les crânes qui finissent par se dégarnir un jour ou l'autre. Hein, j'y viendrai aussi, moi. Et vous aussi, les gars, vous voyez de quoi je parle, en attendant de finir avec un petit verre dans le nez. Un petit verre. Pas celui que vous imaginez, bien entendu. Quand on sera 6 pieds sous terre. Allez, je continue avec ce petit bestiaire gentil de et toutes ces créatures du folklore mexicain. Alors, donc, la Catrina, dont je vous parlais tout à l'heure, ce squelette habillé élégamment, les calaveras. Et puis, là-bas, au Mexique, comme un petit peu comme partout ailleurs, hein, y a des histoires de fantômes, bien entendu, notamment la Llorona. La Llorona, en fait, c'est une pleureuse, une femme qui pleure et qu'on n'arrive jamais à attraper, qu'on voit se promener dans les cimetières, dans les forêts, la nuit, le jour, enfin, allez savoir. Et donc, c'est comme les dames blanches qu'on voit près des châteaux chez nous. Enfin bref, je vais pas en faire des tonnes. Et vous avez peut-être entendu la chanson qui a été faite sur le sujet, une chanson de Chavela Vargas, qui a été reprise maintes et maintes fois. Moi-même, je vous avais amené une reprise il y a quelques temps de cela. Et notamment, on entendait cette chanson de le film sur Frida Kahlo, qui avait été produit il y a quelques années. Voilà, et ben justement, la Llorona, c'est aussi un thème qui a été mis en musique, notamment avec les Américains de Voodoo Glow Skulls, et le titre, donc, attention, ça va être bourrin, le titre de Voodoo Glow Skulls, la Llorona. Mars Volta avec le titre El Via Via Ques, et c'était enchaîné juste avant avec les Voodoo Glow Skulls. Vous imaginez des punks hein, qui auraient tabassé des mariachis pour leur piquer les instruments, bah, c'était un petit peu ça, les Voodoo Glow Skulls avec le titre La Llorona. Et donc The Mars Volta, juste après, un groupe que j'ai vraiment beaucoup aimé, composé d'un duo que, au cœur duquel se trouvaient le duo Cédric Bisguer Zavala et Omar Rodriguez Lopez. Ils peuvent pas avoir des noms comme tout le monde, ces Mexicains, ils ont toujours des noms à rallonge, et donc ils mélangeaient avec brio, donc le côté punk comme précédemment, et aussi une influence du rock progressif assez marquée, ainsi qu'un côté baroque, barré et baroque, j'aurais envie de dire, propre vraiment à la culture latino-américaine, j'ai l'impression. C'est quelque chose en tout cas que moi, à titre personnel, j'ai ressenti dans The Mars Volta. Donc c'est un morceau qu'ils avaient sorti aux alentours de 2005-2006, dans ces eaux-là, et c'était vraiment très très bon. On va aller vers des choses un petit peu différentes maintenant, puisqu'en ce soir on parle du Dia de los Muertos du Mexique, et de la manière dont ils célèbrent la mort à l'occasion du Dia de los Muertos. D'ailleurs, à cette occasion, ils ont une citation, enfin un proverbe là-bas que j'aime bien. Ça dit « No se puede negociar con la muerte, pero si puede negociar con ella », ce qui signifie « On peut pas négocier avec la mort, quand faut y aller, faut y aller. Mais on peut faire du commerce grâce à elle. » Et ben ouais, c'est peut-être ce qu'avaient à l'esprit les Aztèques, les Mayas. Ils sont redoutables en business, manifestement. On critique toujours les Juifs, mais de l'autre côté de l'Atlantique, vous en faites pas, il y en a aussi des très forts. Et donc c'est peut-être ce qu'avaient un petit peu à l'esprit les gens de Mekrokiev, un duo New Wave et Post-Punk de Mexico, avec le titre Dead Song qu'on va écouter tout de suite, hein, puisque ce soir je parle de la mort, mais j'en parle gentiment, bien entendu, et en couleur, en tout cas en couleur chamarrée, bigarrée, comme ils le font si bien là-bas. Et donc on va écouter tout de suite quelque chose d'un petit peu différent, Mekrokiev, un groupe de Mexico que j'ai découvert grâce à un net label français très actif qui m'avait aussi fait découvrir un groupe brésilien hors du commun qui s'appelait Escarlatina Obsessiva. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, je vous en reparlerai. Et Mekrokiev est du même calibre, quoi. C'est discret, c'est efficace et ça vaut largement le détour. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Dead Song par le titre, par le groupe, pardon, Mekrokiev. Histoire d'aller tout doucement vers la fin de l'émission, car on approche de la fin de l'émission, le temps passe vite, hein, sous le soleil de Mexique. excuse-moi, Ico. Et donc aussi dans l'obscurité du studio d'Osmose Radio, les amis. Et on va aller vers des choses un petit peu différentes, en tout cas plus calmes. On va parler d'une chanteuse assez atypique qui s'appelle Raramar Soto. J'ai un petit peu de problème avec ma rota, j'espère que je le prononce correctement. Raramar Soto, une chanteuse folk mexicaine qui a eu une initiative qui m'avait vraiment beaucoup intéressé et assez surprenante, c'est-à-dire qu'elle avait fait un album dans lequel elle mettait en musique des poèmes d'un roi aztèque, en tout cas d'un roi indigène du 15e siècle. Parce que vous savez que les Espagnols, quand ils sont arrivés au Mexique, ont très rapidement fait chuter l'Empire aztèque, qui se serait cassé la gueule de toute manière avec ou sans Cortés. Mais donc tout ça a disparu, ils ont pillé, volé, détruit, etc. Et ils nous ont quand même resté quelques codex, quelques vieux manuscrits de l'époque précolombienne. Et notamment, on a retrouvé des poèmes d'un roi qui était un roi en fait de la cité de Texcoco, genre quelques kilomètres au-dessus de Tenochtitlan, qui était l'ancêtre, qui était la capitale des Aztèques et donc l'ancêtre de la ville de Mexico. Et Texcoco était une cité vassale de l'empire des Aztèques, et le roi local s'appelait Nezahualcoyotl. Et ce garçon était manifestement un roi un petit peu moins sanguinaire que les autres. En tout cas, d'une certaine manière, il a été un petit peu aux civilisations précolombiennes, ce que Hadrien a été pour l'Empire romain, c'est-à-dire un homme relativement juste, qui était mécène, qui a soutenu les arts, la création artistique, tout ça. Qui a aussi été impitoyable quand il le fallait pour éliminer ses adversaires politiques ou pour faire la guerre aux envahisseurs. Et donc il y a eu énormément de bains de sang, etc. Enfin, si vous voyez le film de Mel Gibson consacré à cette période de la culture, de l'histoire mexicaine, Apocalypto, voilà, je cherchais le nom, Apocalypto, donc un film de Mel Gibson qui donne une petite idée de l'histoire et de la violence qu'il y avait à cette période-là. Romancée hollywoodienne, bien entendu. Je vous invite à jeter un œil là-dessus. Et donc, entre deux bains de sang, cet homme-là composait des poèmes, et ces poèmes ont été retrouvés par Raramar Soto, qui les a mis en musique. Et on va en écouter un extrait tout de suite, avec Monologo, donc qui, comme son nom l'indique, est un genre de pensée, comme les pensées d'Adrien, en fait. Ce sont des pensées, des stances, un poème qu'il a écrit il y a plus de 500 ans et que l'on peut encore profiter ce soir. Thank you. Flores de mi corazón, les fleurs de mon cœur, et l'estance donc écrite par ce garçon Nezahualcóyotl qui était un roi du 15e siècle à l'époque où le Mexique n'était pas encore tout à fait le Mexique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin de l'émission, chers amis, donc j'espère que cette playlist vous aura plu, cette thématique sur le Mexique et sur le Dia de los Muertos. Peut-être qu'à l'occasion vous aurez appris quelques trucs, ce pourquoi. En tout cas, j'espère que j'aurais pas fait ça pour rien. En tout cas, moi j'étais content de vous le présenter. Et pour nous quitter, chers amis, on va se quitter avec une autre chanteuse folk. Mais avant ça, je tiens à dire quand même que à faire un petit coucou à mon amie Susanna qui a survécu au méchant ouragan qui a arrosé sa région de Bucerías sur la côte ouest du Mexique. Hein. Chérie, ça m'aurait ennuyé que tu fasses la fête des morts 6 pieds sous terre. Donc voilà. Et c'est le cas aussi pour beaucoup de gens qui ont eu à subir ça de ce côté de la terre sur la côte ouest du Mexique où en général ils ont un temps radieux, puis quand ça se fâche ça fait pas semblant. Voilà chers amis, on va se quitter avec Lila Downs, une chanteuse folk mexicaine que j'aime bien, avec le titre Arenita Azul. Moi je vous donne rendez-vous mardi prochain, même endroit, même heure, même radio. Bisous. Arenita Azul, de onde salió? Arenita Azul, de onde salió? Anoche cayó la...